Bonjour, je suis John Rosato, directeur principal de Jones Lang LaSalle. Récemment, nous avons eu l'occasion de recevoir Stéphane Côté de Canex, qui a soulevé 15 questions importantes afin de vous aider dans votre décision d'affaires pour un centre de données en co-implantation. Merci et bonne écoute. Notre dernier conférencier a fondé Canex en 2004 et l'a propulsé au sommet des entreprises de colocation canadiennes. Il est sans conteste une des figures les plus marquantes de l'industrie au cours de la dernière décennie au Canada. Les succès de Canix sont retentissants et il en est le chef d'orchestre. Depuis plusieurs années, et encore avec ce projet, il fait preuve d'innovation, ce qui est la marque de commerce de Canix. Mesdames et messieurs, accueillons sans plus tarder M. Stéphane Côté. Bon, merci beaucoup. Merci de votre présence. C'est très apprécié. Beaucoup de gens dans la salle que je connais, beaucoup de nouveaux visages aussi. Et puis, moi, je vais débuter ma présentation. Ça fait comme on m'a introduit que j'ai parti Canix en 2004. Canix a présentement 77 000 pieds carrés de salles informatiques à Montréal avec 6 établissements sur l'île de Montréal. Et ce que j'ai remarqué au fil du temps, j'ai beaucoup de questions de clients. La première fois que je rencontre ces clients, on me demande souvent beaucoup de questions avant de faire un choix pour aller en colocation ou héberger les serveurs. Et j'ai résumé ça en 15 questions. Dans le fond, on a une quinzaine de questions qui reviennent tout le temps. Et j'aimerais aborder ces questions-là lors de ce lunch aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec ma première question. Alors, Monsieur Côté, je vais vous la poser les questions. Allez-y. Alors, où l'équipement sera-t-il logé? Donc, les équipements, la plupart du temps, les questions me viennent. Les équipements doivent être toujours dans un bâti verrouillé ou dans des salles spécialisées, réservées strictement aux clients et non pas avec d'autres clients. Donc, les serveurs informatiques se doivent d'être dans un bâti réservé à un client verrouillé. Quand aurez-vous accès à l'équipement? Bon, l'équipement, c'est important. La réponse à cette question est particulièrement importante. Si vous envisagez loger vos serveurs dans un centre de colocation dont vous demeurez le gestionnaire des équipements. Donc, il faut savoir la plage horaire que le centre informatique aura pour accéder. On doit être capable d'accéder 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à nos équipements, surtout quand on en garde la gestion. De combien de bandes passantes disposerez-vous? Bon, ça c'est important parce que la plupart du temps, on me demande à moi, chez Canix, quelles sont les entrées de fibre optique? Quelle est la capacité de fibre optique que vous êtes capable de déployer? Quel est le débit sur Internet qu'on peut offrir à notre clientèle? Ce que les clients oublient, c'est que le débit est en une proportion directe avec la capacité de vos équipements et non pas celui du centre informatique. Le centre informatique a plusieurs entrées de fibre optique, mais le client doit connaître la capacité de son équipement informatique et non pas l'inverse. Et on fait souvent cette erreur-là. Quelle sera la plage des températures d'exploitation dans la salle de votre équipement? Dans tous les immeubles, peu importe le centre, on va retrouver souvent des températures plus chaude à un endroit et plus froide à d'autres endroits. La plupart du temps, nous faisons un calcul basé sur le kilowatt des équipements que le client va emmener au centre. L'erreur que les clients font la plupart du temps, même si on leur donne l'information, il est important de connaître le dégagement de chaleur de vos équipements une fois qu'ils vont être installés dans le centre. De quel type d'accès à distance disposerez-vous? Encore une fois, il est important d'avoir des liaisons optiques adéquates avec un débit adéquat pour accéder les équipements à distance du centre informatique. Beaucoup d'erreurs se font on sous-estime le débit de cette ligne de communication-là une fois que le serveur est installé dans le centre informatique. Quels sont les antécédents du centre de données en matière de temps de disponibilité? Donc, cette question-là demeure un élément très, mais très, très important. Il faut s'informer auprès d'Uptime Institute, si c'est possible, ou des professionnels dans l'industrie, évidemment, de tous les registres, les rapports de panne, pour avoir une idée de la fiabilité à long terme des installations du fournisseur. Informez-vous aussi des procédures de relève prévues en cas de panne pour assurer une poursuite des activités. De cette façon, on peut vraiment faire un estimé adéquat avant de faire un choix final sur notre centre de données. Qu'est-ce qui est prévu en matière d'alimentation de secours? Les centres de données, bien conçus, doivent avoir des lignes d'alimentation redondantes, ainsi que des génératrices de secours pouvant soutenir l'ensemble des activités pour un minimum de 8 heures. Okay? Donc, c'est le minimum requis. Dans n'importe quel centre informatique, vous devez vous assurer que ceci est disponible pour vos équipements. Donc, c'est très important d'avoir cette information-là avant de faire une décision finale. De quel type de protection contre l'incendie et la fumée le centre de données est-il doté? Des détecteurs de fumée déclenchant de façon précoce et des systèmes d'extinction d'incendie automatique conçus pour des salles informatiques sont essentiels pour assurer la protection de votre installation. Quelle est la capacité du système de refroidissement? Donc, ça, c'est un point à ne certainement pas négliger. De plus en plus, les équipements informatiques sont de plus en plus denses et dégagent énormément de chaleur. Donc, certains centres de données sont en fait des immeubles à bureaux reconvertis et ils ne disposent pas de système de climatisation adéquat. Les véritables centres de données possèdent des planchers surélevés et sont conçus pour la ventilation expressément pour des salles informatiques et pour mettre des serveurs à grand nombre. Quelles sont les mesures de sécurité en place? Les mesures de sécurité pour surtout les entreprises qui sont publiques se doivent de se conformer à Sarbanes-Oxley. Et évidemment, cette façon de faire assure les données des clients qui les protègent de toutes circonstances. Les centres informatiques qui sont certifiés avec les réglementations Health Insurance Protectivity and Accountability Act ou SAS 70 constituent un atout. Nous, notre politique, c'est de vraiment avoir une certification SAS 70 pour protéger vos données. Du personnel de soutien est-il présent 24 heures sur 24? Même si vous vous chargez vous-même de l'entretien de vos systèmes, cet aspect n'est pas à être négligé. Vous devez avoir la confiance de votre fournisseur qu'il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 dans le centre informatique pour répondre à vos besoins en termes de support, que ce soit changer un câble informatique, vérifier l'équipement, faire un visuel, travailler avec vous de façon à distance. Et si, surtout si vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre équipement qui n'est pas disponible, mais c'est toujours bon d'avoir une personne dans le centre qui peut vous aider. Quelle est la philosophie touchant la connectivité réseau? Rien vaut un centre de données d'une neutralité sans reproche. Canix exerce le modèle Carrier Neutral, donc on est un centre neutre, qui permet d'avoir la flexibilité accrue du choix du fournisseur de télécommunications. Il est important, quand vous prenez une décision d'aller dans un centre neutre de colocation, ça vous donne beaucoup plus de flexibilité qu'un centre de colo qui n'a simplement aucun choix ou un ou deux choix de fournisseur de télécommunications. Que prévoit le fournisseur en matière de transfert de données et combien coûtent les données excédentaires? C'est important de bien comprendre. Quand on prend une décision de mettre ses serveurs dans un centre informatique, on a plusieurs fournisseurs de télécommunications avec des forfaits de bande passante à tarif fixe. La plupart des fournisseurs vont avoir aussi un coût au mégabit de transfert additionnel. Vous devez savoir cette information-là. J'ai beaucoup de clients qui ont eu la mauvaise surprise. Ils ont dépassé leur budget de bande passante. Ils se sont retrouvés avec une facture assez salée et ce n'est pas agréable. Des services gérés sont-ils offerts? Nous offrons chez Canix un service géré par un tierce partie. Il est important que vous ayez cette flexibilité-là. Nous sommes un centre neutre de colocation, mais avec des partenaires. Donc, j'en vois un ici dans la salle. On peut vous donner un service plus approfondi et il est important d'avoir cette flexibilité-là et cette possibilité-là. Dans beaucoup de cas, les ressources de TI internes soit ne sont pas disponibles ou vous n'avez pas le bon profil d'individu. Vous pouvez faire appel à des sous-traitants de Canix pour vous aider dans ce type d'environnement-là. Que prévoit l'accord sur le niveau de service? Une bonne relation d'affaires avec un centre de données repose sur un bon accord. Assurez-vous d'avoir l'accord de niveau de service qui stipule clairement le temps de disponibilité, la garantie, la largeur de bande fournie, les délais d'intervention et les exigences en matière de soutien. On doit connaître toutes ces choses-là avant de s'embarquer dans un centre de colo. Il faut que ça soit clairement identifié. Et la plupart des clients sous-estiment le SLA, mais c'est la pierre angulaire de la bonne relation avec un centre de données. Donc, ces 15 questions-là qu'on a discutées aujourd'hui, c'est le réflexe de, je vous dirais, d'une quinzaine d'années d'expérience en centre informatique. J'ai vécu dans ce domaine-là plusieurs années et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Puis c'est pour ça que j'ai élaboré ces 15 questions-là, pour s'assurer que les clients réalisent qu'il est important de poser ces questions-là avant de prendre une décision. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, de l'inauguration de notre nouvelle établissement à Ville-Saint-Laurent, en collaboration avec Technopark. Le but premier d'un centre de données est d'héberger des serveurs de bases de données, d'applications et des fichiers qui sont très importants à votre entreprise. Nous, chez Canix, on a mis une architecture de type Tier 3. Et la raison pourquoi on a décidé d'aller dans cette direction-là, c'est qu'il n'y a pas de Tier 3 à Montréal, en tout cas du moins du point de vue commercial. Et on a réalisé aussi que ça nous prenait toutes les architectures pour pas interrompre vos opérations lorsque on doit faire une maintenance sur un appareil, par exemple. Donc, la seule façon pour nous d'arriver à ça, c'est de bâtir un Tier 3. On a les slides ici quelques photos de ce que va avoir l'air le centre. Ce que je dois vous dire avec cette diapo-là, on va avoir les meilleures sécurités possibles autour du centre informatique. Le centre informatique sera doté de gardiens de sécurité à chaque entrée. Ce qu'on va voir aussi sur la prochaine diapo, c'est les systèmes d'alimentation électrique. Le centre de Technopark sera installé avec les alimentations électriques de 25 kV répondant aux besoins des entreprises, fournis par deux réseaux électriques distincts, soutenus par des systèmes d'alimentation A et B entièrement redondants, systèmes d'alimentation sans coupure, UPS en parallèle, groupe d'électrogènes qui se déclenchent en moins de 60 secondes après la détection d'une panne d'alimentation. Le réseau de distribution électrique interne sera fourni par deux sources d'alimentation indépendantes à chaque espace client. Il n'y a pas un bâti client qui va avoir juste une source d'alimentation. Ceci, dans cette topologie-là, ne peut pas exister. J'aimerais parler aussi de l'environnement de climatisation, les régulations des conditions ambiantes. Le centre sera conçu pour permettre de tirer un rendement maximal de l'équipement. Le centre de données à disponibilité élevée sera doté d'un système évolué de régulation de conditions ambiantes. Les températures et les taux d'humidité seront surveillés rigoureusement par des contrôles électroniques. Tous les systèmes CVC, chauffage, ventilation, climatisation, seront entièrement indépendants du réseau d'aqueduc et d'alimentation électrique urbain, parfaitement redondants et conçus pour fonctionner en pleine capacité, même en cas de défaillance de leurs composantes. Ceci est très, très important. C'est la seule architecture du type à Montréal qui va avoir cette capacité-là. Comme dernier point, j'aimerais soulever que nous allons offrir des solutions d'espace variable en cabinet, en cage métallique, en salle privée. Notre disposition sera évidemment d'offrir des solutions de connectivité fournies par plusieurs compagnies de télécom au cabinet du client avec un éventail de services de liaison optique. Merci. Thank you.